Un ruisseau de vin traverse mon sang, je suis en mode course poursuite, pute dans le jean, c'est ton code. Prêt à rouler droit sur des connards dans un loft. Clochard, je t'offre toi en te transportant dans mon coffre. L'aime de fume, la vitesse tu kiffes, la vitesse on t'offre. Moi à plus speed, je ne connais pas les longues stops. Enfoiré, je traverse un étrange univers, fait de bière, de sperme, de fumée, de chair et de colère. Partout j'opère, au cerf, service offert. Dans ma caisse y'a même des armes que je vais vendre au cerf. Je roule où je peux, où je veux, ne veux. Je roule partout, je fais même Paris, Moscou. Je roule en te traînant, jusqu'à tu cries au secours. Je roule en portant, mamie et autres scouts. Je roule où je peux, où je veux, ne veux. Je roule partout, je fais même Paris, Moscou. Je roule en te traînant, jusqu'à tu cries au secours. Je roule en portant, mamie et autres scouts. Le crépuscule vient vers moi, je conduis droit vers lui. Sous la pluie, dans le froid, dans la chaleur de la nuit. Le crépuscule vient vers moi, je conduis droit vers lui. Sous la pluie et dans le froid, dans la chaleur de la nuit. Le crépuscule vient vers moi, je conduis droit vers lui. Sous la pluie, dans le froid ou dans la chaleur de la nuit. Viens vers moi, droit vers lui. Dans le froid, dans la chaleur de la nuit. Je roule à tombeau ouvert de la ruelle de la vie. Le cercueil tombe, je repars avide vers la nuit. Avide de la fuite, d'acide et la pluie. Je crame le bitume dans une stupide idylle. Lui, dis-lui au flic que je suis là, trempé dans le motel avec une tasse fait légèrement faisandé. Je trinquerai de la strychnine à ta santé. Je suis comme une goutte de sang sur un dessin de santé. Je roule où je peux, ne veux. Je roule partout, je fais même Paris, Moscou. Je roule en te traînant, jusqu'à tu cries au secours. Je roule en portant, mamie et autres scouts. Je roule où je peux, ne veux. Je roule partout, je fais même Paris, Moscou. Je roule en te traînant, jusqu'à tu cries au secours. Je roule en portant, mamie et autres scouts. Buée sur le pare-brise, on s'en bâtard. Je prends trop d'acide quand je respire, je brûle mon bandard. Là, je suis dans un lupin nard et je fais bandard. Bar dans le café, le crack me sert de grand canard, connard. Dans un bus, je conduis les gens jusqu'à l'usine de hot dog. Ils deviennent de la bouffant, bouffant. Tu me vois étouffant, les Y, Z bouffant. Pourtant, putain, bon, j'ai les grosses jantes et le doigt ouvrant. La douane, la bague. J'arnique leur mère, les poches bourrées de LSD. Je passe les frontières, je peux faire 666 fois le tour de la ronde terre. Tu cherches un kamikaze, moi je suis volontaire. Je roule, je balance un beat dans une nuit cachée. Sur la pocket arrière, ma bite dans quelques vagins. Sur un corps bâché mordu qui avait la rage hein. Tu me portes au nu alors que je t'appelle machin. Je roule où je peux, ne veux. Je roule partout, je fais même Paris, Moscou. Je roule en te traînant, jusqu'à tu cries au secours. Je roule en portant, mamie et autres scouts. Je roule où je peux, ne veux. Je roule partout, je fais même Paris, Moscou. Je roule en te traînant, jusqu'à tu cries au secours. Je roule en portant, mamie et autres scouts. Check, c'est costume blanc. Toujours vers le crépuscule, les gros.